Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 49e épisode de Geekorama. Mon nom est Dominique Jean et aujourd'hui je vais vous faire écouter l'excellente musique, vraiment l'excellente musique de Journey to Sidious au NES. Un jeu par nos amis de chez Sunsoft qui font de la... Vraiment, les jeux de Sunsoft pour la plupart du temps, il y a tout le temps de la maudite bonne musique. Et lui qui a composé ça d'ailleurs, comment il s'appelle le jeu parce que son nom je m'en rappelle jamais. C'est Naoki Kodaka. Fait que props à toi, Naoki Kodaka. Ouais, fait que Journey to Sidious, c'est qui est particulier, c'était supposé d'être un jeu de Terminator qui était basé sur le film de 1984. Mais finalement, durant le développement, Sunsoft ont perdu les droits. Mais il y a tout de même des éléments qui sont restés, comme exemple le boss final. Le boss final, il ressemble à ce qu'il appelle un T-800, je pense. En tout cas, là. Basé sur le film, ouais, c'est ça, un T-800 qui ressemble vraiment à là, une espèce de robot squelette comme on voit dans le film. Puis je trouve que l'intro aussi fait très Terminator, là, en particulier les secondes, les quelques secondes à la fin, je trouve que ça fait vraiment Terminator en esque, si on peut dire ça de même. Mais quoi qu'il en soit, la pochette, moi j'aimerais ça parler de la pochette un peu, parce que t'sais, la pochette qu'on a eue ici est pas laite. T'sais, c'est correct, mais je la trouve un peu paresseuse dans le sens que c'est quasiment comme un screenshot. C'est pratiquement un screenshot du jeu. Fait que, tu sais, puis dans ces années-là, au NES, il y avait quand même des pochettes originales, puis les artworks étaient beaux. Mais je trouve qu'ils se sont pas forcés pas en tout pour cette pochette-là au NES. Et allez voir la version japonaise qui est surnommée Raph World, qui est la version japonaise, et allez voir la pochette. Elle est vraiment hallucinante comparativement à ce que nous on a eu là. Je cache pas pourquoi on n'a pas eu ça là. Moi je suis vraiment jaloux de la pochette qu'ils ont eu au Japon là. Nous autres on a inclus ce petit screenshot là, puis eux autres ils ont une super là. C'est comme une affiche de film de science-fiction, c'est vraiment cool. Fait que c'est ça, quoi qu'il en soit, ben tiens, je vais vous envoyer le bloc 1 parce que faut bien écouter cette maudite bonne musique là. Au bloc 1, on a Title, Stage 1 et Stage 2. Bonne écoute. We'll be right back. Nous sommes maintenant rendus au bloc numéro 2. Et au bloc 2, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a le boss battle. Après ça, on a stage 3. Stage 3. Et stage 3, stage 3. je vis. Et stage 4. Et stage 4, ce qui est particulier, c'est un petit fun fact comme ça. Écoutez les 5 premières secondes du stage 4. Et ensuite de ça, allez écouter les 5 premières secondes de la toune Heart of Fire de Castlevania Harmony of Despair. Et mettez la toune de Castlevania, là, mettez la toune à 1.25 à la vitesse. Et vous allez voir, ça sonne, c'est quasi identique. T'sais, quand j'ai écouté la toune de Journey to Sidious, j'ai fait tabarnouche, ça me fait penser à ça. Mais juste un fun fact de même, j'ai trouvé ça bien cool. Fait que bloc 2, boss battle, stage 3 et stage 4. Bonne écoute. Thank you. Hey, on est rendu maintenant à la conclusion, les amis. Johnny Tosselius, un Christy de bon run and gun des années 90, qui est d'ailleurs, il est sorti en 90 partout dans le monde. C'est ce qui est, c'est cool quand même. Il est sorti pas les mêmes dates, là, mais il est sorti toute la même année. Ceux-là qui veulent la version physique pour les collectionneurs, c'est pas un jeu qui est. À part son bleu complet, bien sûr, là, mais le jeu loose, ça tourne aux alentours de 50$, je dirais, c'est pas si mal. C'est pas si mal que ça, mais ça monte quand même relativement vite, là, les jeux rétro, c'est fou. Tranche de vie, j'avais quand même pas mal de jeux rétro, moi, puis j'ai décidé de les vendre. Pas parce que j'aimais plus ça, t'sais, je me suis procuré un Lacoste et tout, là, mais je veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais tu sais, regarde, j'ai un Lacoste, ça fait quand même longtemps, puis je joue pratiquement pas. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai comme. Avec le temps, j'ai comme perdu un peu mon intérêt, mais tu sais, du collectionnage, puis tout. Mais en fait, non, c'est pas vrai. J'ai pas nécessairement perdu mon intérêt pour la collection, mais j'ai vraiment réduit mon stock parce que je n'avais, c'est l'enfer, puis surtout des figurines, puis des produits dérivés, je n'avais, c'est n'importe quoi. Fait que je me suis vraiment, là. J'ai baissé pas mal un peu mon inventaire. Je n'ai gardé pas mal. Mais je me concentre pas mal sur ces figurines de manga. Ça, j'ai bien de la misère à m'en départir. Puis d'ailleurs, je m'en départirai pas, là. Puis ma grosse statue de Doom de la guerre, ça, jamais de la vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça. Là, j'ai fait un ménage. Puis j'ai simplifié les choses, je dirais, là. Puis non, je la regrette pas. Malgré que je vois les jeux monter, puis je suis là, ah, Colin, ça. J'aurais pu faire encore vendre ça plus cher, mais maintenant, les Le marché du rétro, c'est assez. Faut être prudent aussi. Il y a beaucoup de reproductions, puis beaucoup de revendeurs. Fait qu'il faut faire. Soyez prudent sur dans le marché des jeux rétro. Quoi qu'il en soit, ouais. Fait que si vous voulez me suivre, le podcast, il est sur Facebook, Twitter, Instagram aussi. Si vous voulez me suivre aussi également, mon compte personnel sur Twitter, c'est Dominique@Jean. Et si vous voulez m'ajouter sur Steam, Painkiller en un mot, Pain comme Max Payne, Moby the Way sur PSN. Et ceux-là aussi, d'ailleurs, ouais, il faudrait que je refasse des épisodes aussi là-dessus sur mes découvertes Bandcamp. Ceux-là qui veulent aller voir mon Bandcamp, c'est Painkiller également en un mot. Et ma photo, c'est une photo de Max Payne. Là. Si vous voulez voir un peu c'est que j'écoute, c'est que j'achète là, ces temps-ci, là, j'ai vraiment du stock. Là, ceux-là qui veulent découvrir de la musique, c'est très intéressant. Quoi que l'en soit, c'est ce qui va terminer le show, les amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une très bonne journée. Au revoir.